Salut Blockbuster, c'est Flo. C'était pour vous remercier d'avoir fait cette émission sur Gears of War, parce que déjà c'est un truc de bourrin. Donc des fois les trucs de bourrin c'est sympa, mais c'est aussi bien de rappeler que c'est fait par des hommes et des femmes et qu'il y a toujours des histoires personnelles et qui sont retranscrites d'une certaine façon. Et moi j'ai trouvé ça très touchant, très sincère. Donc merci et prenez soin de vous. Salut Blockbuster, c'est Sophie de Normandie. Le super pouvoir dont je rêve est la capacité de se dédoubler. Je pourrais être au travail et en même temps à la maison à écouter votre super émission. À bientôt. Je viens de découvrir Invincible. Alors j'ai arrêté d'écouter ce podcast, j'ai vu le premier épisode. Putain, c'est génial ce truc. Et du coup, je suis retourné sur le podcast. Bon, début de gâché, ça c'est pas très grave. Merci encore pour l'émission. Ça, je ne connaissais pas, je le découvre. C'est super cool. À bientôt. Salut toute l'équipe de Blockbuster, c'est JP. Merci de consacrer une émission au Monty Python. J'espère que vous allez apporter une explication sur ce qu'est un shrubbery, parce que ça fait 40 ans que je me demande ce qu'est un shrubbery. Merci d'avance. On reconnaît les grands auteurs à la marque qu'ils ont laissée dans le vocabulaire. Molière nous a laissé en galère, Shakespeare nous a donné le fair play, et les Monty Python apportèrent le spam. Always look on the bright side of life. To be or not to be, not to be. C'est bientôt les vacances! Enfin, pour moi, parce que pour vous, il est possible qu'elles aient déjà commencé ou qu'elles aient lieu très prochainement. Enfin, je vous le souhaite. Alors attention, hein, ça ne signifie pas que Blockbuster s'arrête. Dès lundi prochain, vous allez avoir droit à la diffusion de certains podcasts que j'ai enregistrés durant l'année, mais qui n'ont jamais été diffusés à l'antenne. À commencer par celui consacré à Hunger Games. C'est généralement à ce moment-là, enfin c'était le cas l'été dernier, que je commence à recevoir des mails énervés. Ouais, c'est tout de même une honte que le service public n'ait pas un contenu neuf à diffuser durant l'été. Je suis sûr qu'il y a des tonnes de journalistes ou animateurs qui pourraient vous remplacer. Ce qui est totalement vrai. Même si je trouve qu'applaudir des deux mains quand la redevance qui finance le service public est supprimée, tout en demandant à ce même service public de produire toujours plus de contenu pour les podcasts et pour l'antenne, me semble être un grand écart intellectuel que même Jean-Claude Van Damme ne ferait pas sans un très bon échauffement. Bref, on peut ubériser le service public autant qu'on veut, il reste composé par des êtres humains, des techniciens, des attachés de production, des documentalistes, des réalisateurs, des gens qui ont de temps en temps besoin d'un salaire et de vacances. Tout ça pour vous dire, chers auditeurs et auditrices, que je vous aime tous et toutes énormément. Mais tout de même, un peu moins que ma compagne et mes enfants. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. This is a frightened city. Voici une over cité effrayante. Over sur ces rues, sur ces maisons, plane la peur. Kind of violence is un nouveau type de violence est abattu sur la ville, la terrifiante. Yes, gangs of old ladies. Oui, des gangs de vieilles dames s'amusent à attaquer des jeunes gens sans défense. L'apport de l'Angleterre à la culture populaire est évident. Les Beatles, James Bond, Queen, Harry Potter, Doctor Who, j'en passe. Mais il est également un domaine où le Royaume-Uni a particulièrement rayonné au niveau mondial, c'est l'humour. Avec pour ambassadeur l'incroyable troupe des Monty Pythons et leur humour si absurde et décalé qui fait encore des émules jusqu'à aujourd'hui. Graham Chapman, John Cleese, Terry Jones, Terry Gilliam, Eric Idle et Michael Palin. Comment se sont rencontrés ces gentlemen de l'humour anglais? On va tenter d'y répondre avec mon camarade Ian Stotz, bonjour! Bonjour, bonjour à tous et bonjour Fred. Merci, merci de me recevoir, c'est un honneur. Mais je suis ravi! Alors, je vais faire la présentation. Hein. Ian Stotz, vous êtes humoriste et comédien. En ce qui me concerne, je trouve que vous êtes un des comédiens les plus doués de votre génération. Mais aussi, grand cinéphile et vous avez même correspondu avec John Cleese, l'un des membres et cofondateurs des Monty Pythons. Et enfin, en septembre, vous lancerez votre chaîne Popcorn et Bloody Mary sur les films méconnus et cultes. C'est ça, je crois que vous avez raison. Avec nous de retour, et je suis ravi, Romain Igita, bonjour. Et bonjour, et également ravi d'être de retour. Vous êtes journaliste spécialiste des séries télé pour le JDD et Téléstar, et co-auteur du livre Series Anatomy, le 8e art décrypté aux éditions Fantasque. C'est exactement ça. Et enfin, On l'attendait plus cette saison. Mais oui, un retour aussi. Justine Breton, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir de nouveau. Vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Vous étudiez, c'est mieux. Faut la refaire. Hein, voilà, on va recommencer. Vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Comme ça, on n'aura pas de mail. Vous étudiez les représentations du Moyen-Âge au cinéma, dans les séries et les jeux vidéo. Grande amatrice d'humour anglais, vous avez notamment publié en 2021 le livre Monty Python Sacré Graal aux éditions Vendémiaire. 20 sur 20. Oui, non, là, c'est au rattrapage. Hein. Bon, ok. Vous savez tout. Il est 17h09. Big Ben nous annonce qu'il est plus que temps de rentrer dans le vif du sujet. Stop! Who would crush the bridge of death? Ceux qui veulent traverser la passerelle de la mort doivent d'abord répondre à trois questions. The other side. Et l'autre côté, ils verront. Ask me the questions, bridge Quelles sont les trois questions, gardien de la passerelle? Je n'ai aucune crainte. What is your name? Quel est ton nom? My name is Sir Lancelot. Je m'appelle Sir Lancelot de Camelot. What? Quel est ta quête? To seek the Holy Grail. Je cherche le Saint Graal. What? Quel est et ta couleur préférée? Bleu. Ça va, tu peux y aller. Oh, merci. That's easy. C'est facile. Stop. Arrête-toi. Ceux qui approchent de la passerelle de la mort doivent répondre à mes trois questions. Et l'autre côté, ils verront. Ask me the questions, but allez-y de vos trois questions, gardien. Je n'ai aucune crainte. What? Quel est ton nom? C'est Robin de Camelot. What? Quel est ta quête? To seek the Holy Je Christ. Cherche le Saint Graal. What? Quel is the capital of Assyria? La capitale de l'Assyrie. I don't know. J'en ai aucune idée. Un extrait de Sacré Graal sorti en 1975. Romain Digita, première question. Comment se sont rencontrés les Monty Python et d'où viennent-ils? Eh bien, les Monty Python se sont rencontrés au Festival d'Édimbourg, parce qu'en fait, chacun jouait dans les troupes de leurs universités respectives. En fait, ce sont tous des enfants de la classe moyenne ou de la classe un peu supérieure de l'après-guerre. Ils étaient tous destinés à des métiers un peu barbants, médecins, dentistes, comptables, avocats. Ils étaient tous dans les grandes universités, certains comme Cambridge ou à Oxford. Et la tradition en Grande-Bretagne, dans ces pays-là, c'est que ces universités ont chacune une troupe dans lesquelles les étudiants peuvent s'amuser, écrire des sketchs, jouer. Les meilleurs, donc, en effet, se rendent au Festival d'Édimbourg, qui est un peu l'équivalent britannique du Festival d'Avignon. Et bah, c'est là qu'ils se sont croisés, c'était un peu un coup de foudre humoristique, coup de foudre culturel. Il en manque juste un, l'américain de la bande, Terry Gilliam. Lui, en fait, c'est John Cleese qui va le rencontrer, parce que toujours avec sa troupe, il va carrément faire une petite tournée aux États-Unis, notamment à New York. Et Terry Gilliam cherche. Ah, c'est des troupes universitaires qui voyagent quand même. Ah, mais c'est quasiment professionnel à ce niveau-là. Il y a du budget dans les universités en Angleterre. Et Terry Gilliam travaillait pour un magazine, c'était pas Mad, mais c'est un peu un magazine du type Mad, pour lequel il voulait faire un roman photo humoristique. Il lui fallait un grand échalas. Et puis il voit passer cette troupe avec John Cleese. Écoute, viens jouer dans mon roman photo, ils restent en contact. Et puis voilà, ils vont tous faire leur classe dans différentes émissions britanniques, pour lesquelles ils vont surtout écrire, plus que jouer. C'est John Cleese, c'est l'un des seuls qui va apparaître à l'antenne des émissions typiques des années 60, un peu l'équivalent du petit rapporteur en France, grosso modo. Et puis au bout d'un moment, ils se disent faudrait quand même qu'on travaille tous ensemble. Et finalement, un fou dangereux de la BBC leur laisse carte blanche pour faire une émission à sketch. Et puis voilà, tout ça va rentrer dans l'histoire. Yann Stutz, qu'est-ce qui les différenciait? Parce qu'ils ont tous quand même des personnalités très marquées. Chacun, écoutez, vous parliez des émissions qu'ils ont pu faire avant le Flying Circus. Je pense qu'ils se sont trouvés. Ce qui les différenciait, c'est qu'ils avaient cette volonté faire quelque chose qui ne ressemblait à rien du tout. C'est ce que dit Terry Jones souvent quand on entend ses interviews. Il disait, on a voulu arriver avec quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on ne pouvait pas décrire. À tel point que le English Oxford Dictionary a fait rentrer le mot pitonesque dans ses pages, et ils disent qu'ils prouvent à quel point on a échoué dans nos efforts. Ils ont fini par être définis. Eh ben oui, ils ont fini par avoir un nom et une définition. Et je pense que c'est ça qui les différencie au départ. Oui, le fait qu'ils fassent quelque chose de complètement différent. Il y avait des moments où ils commençaient par le générique de fin, des sketchs où il n'y avait pas de chute. Et surtout, oui, c'est ça. Le point principal, il disait souvent, on voit des très bons sketchs d'humoristes anglais, mais souvent la chute n'est pas aussi bien que le sketch qu'on vient de voir. Donc ne faisons pas de chute. Alors où il faisait venir le général, c'était un personnage de général campé par Graham Chapman, qui disait top, on arrête, on passe au sketch suivant, c'est de la merde. Voilà. Où il y avait John Cleese au bureau qui disait, et maintenant quelque chose de complètement différent. Et ça passait à quelque chose d'autre. Justine Breton, vous avez découvert les Monty Python à quelle occasion? Je crois que j'ai dû grandir avec Sacré Graal. Enfin, Sacré Graal, c'est quelque chose qui a toujours fait plus ou moins partie de voilà de mon arrière-plan culturel, on va dire. C'est à cause de ça que je suis comme ça aujourd'hui. mais je m'étais jamais vraiment penchée sur la question de savoir. Voilà, quel était le groupe derrière. Et je pense qu'il a fallu attendre la fin du lycée, peut-être voilà début des années de fac, que mon niveau d'anglais s'améliore aussi, hein, je pense, pour creuser un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et c'est là que j'ai découvert les sketchs, justement, du Monty Python Flying Circus. J'ai ensuite redévoré La Vie de Brian, etc. Et je pense que voilà, à partir de là, c'était l'engrenage, si tu veux, la pente fatale. Après, t'enchaînes avec Douglas Adams, avec Terry Pratchett, et puis bah voilà. Hein, et voilà où on en est. Je suis navré, voilà. Romain Nivita, comment la BBC en est arrivée à accepter de produire ce type de show? Parce qu'on le voit dans les biographies, ils le répètent assez régulièrement, jusqu'au bout, même quand ça fonctionnait bien, et la BBC n'était pas forcément très cliente. Ah, la BBC n'y a jamais cru. Bon, il y avait quand même un peu une politique à l'époque de tester des choses. Le contrat qu'ils ont signé avec le directeur de programme à l'époque ne définissait aucun format à l'émission. C'est, on vous commande 13 épisodes, vous faites ce que vous voulez, il n'y a même pas de titre, à tel point que le titre Monty Python's Flying Circus vient quasiment du contrat, parce que dans le contrat c'était marqué le cirque volant. Au départ, ils voulaient appeler ça le Barituk Flying Circus. Barituk étant le fameux directeur de programme, ils se sont dit bon, quand même, ça va un peu loin. Donc, ils ont inventé ce nom Monty Python. Ils connaissaient un mec dans un bar qui s'appelait Monty, puis Python, ça faisait visqueux, dégueulasse. Voilà. Mais au départ, c'était pas du tout le nom de la troupe. C'est à force qu'on les appelait comme ça. Et en effet, on l'a dit tout à l'heure, ils voulaient seulement faire un truc complètement différent. Là où ils ont un peu innové, en effet, c'est ce côté, on va briser le quatrième mur. C'est ce côté, finalement, ce sont des épisodes à sketch, mais avec à chaque fois un fil rouge. Il y a une espèce de fil rouge, il y a les personnages qui reviennent du début à la fin de chaque épisode. Il y a les animations de Terry Gilliam qui vont faire le lien. Et en effet, la BBC, même après la diffusion, n'y croyait tellement pas que, ils ont failli tout simplement effacer les bandes. Puisqu'à l'époque, la télévision britannique se tourne sur cassettes vidéo. Alors, des cassettes vidéo professionnelles, mais c'est quand même un peu l'équivalent des VHS qu'on a connu et qui donc peuvent être réutilisés. Les cassettes vidéo qui sont en plus de très grands formats, ça prend beaucoup de place à stocker, ça coûte cher, donc on se dit bah tiens, les cassettes on va les réutiliser pour faire d'autres programmes. C'est ce qui s'est passé avec plein d'épisodes de Doctor Who qui sont totalement perdus. Et c'est quasiment au dernier moment, alors qu'elles allaient être réutilisées, qu'un technicien de la BBC appelle Terry Jones et dit bah écoute, si tu peux les racheter pour une somme qui était dérisoire. Et Terry Jones les a stockés dans son grenier pendant des années, ce qui a permis de faire des rediffusions plus tard, mais sinon tout ça aurait été complètement perdu. Et même chose pour les animations de Terry William, qui elle était faite sur cellulo, donc sur pellicule, c'est lui aussi qui les a rachetés et stockés. Et voilà comment on peut à nouveau voir le Flying Circus encore de nos jours. Jan Stotz, là je m'adresse à l'humoriste, pour concevoir un épisode des Monty Python, comment on s'y prend? Est-ce que c'est vraiment, il est nécessaire que ça soit le fruit d'une impro et on note ce qui fonctionne, ou est-ce que ça peut vraiment s'anticiper sur le papier? Parce qu'ils travaillaient chacun dans leur coin ou par duo? Oui, ils travaillaient par duo, c'est ça. John Cleese travaillait souvent avec Graham Chapman, Palin et Jones, et ils avaient une manière assez particulière, ils avaient le tas de papier très bon, quand ils se lisaient des sketchs, le tas moyen et le tas de merde. Et à les entendre, apparemment, personne ne se vexait quand the shit pile, quand un des sketchs allait dans the shit pile. Mais pour concevoir, évidemment, il faut être un Monty Python, il faut être iconoclaste, à un point que tu parlais tout à l'heure des titres du Flying Circus. Ça a failli s'appeler Vaseline Parade, ça a failli s'appeler... Michael Palin explique dans une interview qu'il est dans un week-end avec sa belle-mère un peu triste et il voit sur le journal art floral accompagné par Gwen Diblet au piano. Un vieux truc de province un peu chiant et il se dit mais on va appeler ça Gwen Diblet's Flying Circus. Quelle bonne idée de donner un show télé à une dame qui n'est absolument pas au courant. Mais le problème du titre Flying Circus, c'est que les gens qui venaient à l'enregistrement croyaient assister à un véritable cirque. Il y a des grands-parents qui amenaient des enfants en disant tu vas voir les animaux, les clowns. C'est pour ça que sur la toute première émission du Flying Circus, ils avaient des papis et des mamies parce qu'ils croyaient que c'était un vrai cirque. Ouais. Mais les visuels de Gilliam ont, enfin, j'ai envie de dire, pas aidé avec ça, oui. Parce que ça reprend justement une esthétique très cirque au début. Après, ça fait une partie de l'identité visuelle de l'ensemble de leur show et de toute leur production ensuite. Mais c'est vrai que sur le coup, je peux comprendre le doute. Je veux pas, voilà, mais c'est pour aider un petit peu ces gens. Si vous écoutez l'émission régulièrement, vous savez que notre ambition première, c'est de s'amuser et de prendre du plaisir là où il se trouve. En gros, de voir la vie du bon côté. Et ça, vous savez d'où on le tient? Eh bien, des Monty Pythons. Always look on the bright side of life. Some things in life are bad. they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this bubble? You've got to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the bright side of life, des Monty Pythons dans Blockbuster sur France Inter. Look at them, bloody Catholics. Regarde-moi ces pauvres cons de catholiques. Ils pondent des floppies de pauvres cons de gosses à la con qui ne sont même pas foutus de nourrir. Why do they have so? Et pourquoi est-ce qu'ils font tellement d'enfants? Every time they have. Parce que chaque fois qu'un couple a un rapport sexuel, crac, ils ont un bébé. But it's the same. Mais nous, c'est pareil, Harry. Qu'entendez-vous par là? Well, I mean, we've got. Eh bien, comme vous le savez, nous avons deux enfants et nous avons eu deux rapports sexuels. Mais ça n'a rien à voir. On aurait pu avoir autant de rapports qu'on voulait. Ah oui? Oh yes. Oui, mais qui plus est, comme on ne croit pas à toutes ces balivernes papistes. On aurait pu prendre des précautions. I mean, because we are members. Parce que nous sommes membres de l'Église protestante réformée qui a su se libérer de la puissance autocratique qu'exerçait la papauté au milieu du XVIe siècle, nous sommes autorisés à porter des gadgets qui empêchent la catastrophe. Expliquez-vous. Je pourrais, si je le voulais, avoir des rapports sexuels avec vous. Oh, oui, et si je mettais ce tube en caoutchouc sur ma quéquette, eh bien, je serais sûr que je viderais passement et que vous ne seriez pas imprégné. Et le protestantisme ne se borne pas à permettre la capote. Je peux porter des capotes à plus. Mambo noir, côte de croco véritable. Des aiguilles qui sont conçues non seulement pour protéger, mais aussi pour renforcer et stimuler la force du désir sexuel. Vous avez ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut, ma foi, non. Mais si je voulais, je n'aurais qu'à aller à la pharmacie. Chez Harry, je le regarderais bien en face, la tête haute, et je lui dirais d'une voix ferme, Harry, ayez la gentillesse de me vendre une capote, et pourquoi pas un vibrateur. C'est mon droit, car moi, je suis protestant. Mais qu'attendez-vous? Mais pour eux, c'est interdit, car leur église n'a pas encore fait le bon qui devrait les sortir du Moyen-Âge et les libérer de la suprématie papale romaine. Un extrait du Sens de la vie, sorti en 1983. Et juste avant, on a entendu évidemment Always Look on the Bright Side of Life, qui a été composé par Eric Idle. Et en fait, chacun d'entre eux avait un rôle très spécifique. Jan Stutz, il y avait Eric Idle qui était plutôt le musicien. Ah ben, Eric Idle, c'était le ménestrel, hein, avec l'aide de John Dupré et de Neil Innes. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le gardien du temple des Monty Python. C'est lui qui est très, très, très investi dans les Monty Python. Il y avait Michael Palin et, selon les autres Monty Python, le meilleur acteur des Monty Python. D'ailleurs, Terry Gilliam ne s'y trompera pas parce qu'il l'a pris pour Jabberwocky pour son premier film. Et on le voit aussi dans Brazil et dans plusieurs films. Gilliam, c'était le fou américain qui faisait les animations, qui faisait les cut-out animation et qui faisait tout le visuel et les affiches des Monty Python. Qui est passé par la France et qui a travaillé à Gottlieb, notamment. Pilote. Oui. D'ailleurs, Gottlieb fera l'affiche du premier film officiel des Monty Python qui s'appelle Pataquès, la première folie des Monty Python. Donc voilà, vous aviez évidemment Terry Jones, qui était probablement le plus britannique, le plus littéraire, l'historien des Monty Python. Et Graham Chapman, lui aussi très britannique, un des plus britanniques Monty Python. Le premier rôle, un peu la star des Monty Python de l'époque. Pourtant, la star des Monty Python, c'est John Cleese, selon beaucoup beaucoup de fans et selon les collègues Monty Python, parce que aussi il a eu une carrière et il a fait des projets absolument merveilleux après les Monty Python aussi. Oui. Et ces scènes restent cultes. Et John Cleese, qui était spécialisé dans les personnages qui se mettent en colère. Les personnages qui se mettent en colère, il en a fait sa spécialité après avec Fawlty Towers, et les Anglais ronchons. Il a une très belle colère, John Cleese, très, très britannique, et il a la capacité justement à s'énerver, et comme justement tu le décrivais comme un grand échalas, il a ce physique qui fait que, bah, s'il veut, ça peut partir dans tous les sens, et c'est un humour à la fois dans sa façon de jouer, dans les mots, dans le langage qu'il a utilisé, et un humour physique. Et je pense que c'est aussi pour ça que John Cleese, ça fait partie des préférés un peu du public, c'est parce qu'il touche à tout, et il excelle aussi dans tout, je pense. Justine Breton, il y a aussi, c'est effectivement cette John Cleese, cette démarche particulière, City Walk, voilà, qui l'a popularisé et qui prouve justement le son brio physique. Alors quand tu dis popularisé, j'ai l'impression que je vais ressortir et je m'attends à ce que les gens marchent comme ça dans la rue. Donc ça pourrait être très cool. Hein, dans leur monde, ça pourrait arriver. Mais exactement. Et c'est voilà ce sketch hein, du Ministry of City Walk, donc du ministère des démarches ridicules, hein, idiotes, on pourrait dire. C'est un peu la quintessence de l'humour Monty Python, au sens où c'est de l'humour britannique, c'est du nonsense. Nonsense, c'est un type d'humour qu'on ne peut pas vraiment traduire par non-sens, parce que non-sens, ça impliquerait qu'il n'y a pas de logique, pas de raison. Là, le nonsense, c'est plus appliquer de la logique à quelque chose d'illogique. Absurde, oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelque chose de fou, mais pour eux, c'est totalement normal. C'est ça. Et du coup, dans ce sketch, on a quelque chose de totalement crétin, des personnages qui justement ont des démarches ridicules avec John Cleese qui a ses jambes qui sont immenses et qui se tournent dans tous les sens pour pouvoir marcher, et le tout présenté dans un cadre le plus logique et le plus rationnel qui soit, c'est-à-dire une administration avec des demandes de budget, etc. Et ça n'a aucun sens et ça marche. Ça, c'est génial. Parce qu'il faut savoir que les gens vont à cette administration pour financer leur démarche débile. Non pas pour la gommer. Oui. Romain Digita, combien de temps a duré l'émission et est-ce qu'on a pu vraiment mesurer son succès? Alors, Flying Circus, ça n'a duré que 4 saisons. En plus, la dernière saison est assez courte, est plus courte que les autres, et John Cleese n'y participe quasiment pas. En fait, ça a eu un succès un peu d'estime lors de la première saison. La BBC comprenait pas du tout qui regardait ça. Et ils se sont rendus compte au fur à mesure entre les saisons 1 et 2 que c'était beaucoup regardé par des jeunes et par des étudiants. Et en fait, la première mesure du succès est venue des Américains et de Playboy. En fait, il se trouve qu'en Angleterre, à Londres, il y avait un club Playboy, qui était un véritable club financé par Hugh Hefner. Et le directeur de ce club-là voit les Monty Python en grande motane à la télé, trouve ça absolument génial. Et il en parle à Hugh Hefner aux États-Unis. Il dit, écoute, il y a ce truc absolument génial, faut absolument le faire connaître aux Américains. C'était trop compliqué de diffuser l'émission telle quelle, parce que le transcodage entre le PAL et le NTSC, ça coûtait très cher à l'époque. Eh ben, tout simplement, ils ont financé un film qui est un remake des meilleurs sketchs de première saison. Donc, le fameux film dont on a parlé tout à l'heure, Pataquès, qui est sorti en France avant même qu'on voit les autres films, avant même qu'on voit le Flying Circus, et qui a fait un bide complet en France. Il s'appelait comment en anglais, Pataquès? Il s'appelait And Now for Something Completely Different. Et par contre, si vous voulez le retrouver maintenant, faut trouver l'autre titre, parce que Pataquès, il a été la première folie des Monty Python, ouais. Et ben, ce film commence par un logo Playboy présente. C'est pas un gag. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est un petit clin d'œil, c'est rigolo. C'est vraiment Playboy qui a financé ce film. Et de toute façon, la carrière des Monty Python a toujours été financée par des gens un peu extérieurs à la télé et au showbiz. Sacré Graal, donc leur premier vrai film, est financé par Led Zepp et Pink Floyd, parce qu'en fait, ils ont le même manager. La vie de Brian est financée par George Harrison, l'ancien Beatles. Alors après, il faut savoir aussi que pour tous ces musiciens, c'était une façon de défiscaliser. Défiscaliser aussi. Ça a aidé tout le monde, en fait. Mais plus de pire manière de défiscaliser que de créer financer les Monty Python. Quand on a demandé à George Harrison pourquoi vous avez hypothéqué votre maison pour que la vie de Brian puisse se faire, il a dit parce que j'avais envie de voir le film. Oui, d'ailleurs, ils ont dit que c'était le ticket de cinéma le plus cher. Ça valait le coup. Et comment est né justement donc le projet Sacré Graal? Parce que c'est une histoire d'incarner ces chevaliers de la table ronde qui partent comme ça à la recherche du Graal. Comment l'idée leur est venue? Je pense que Terry Jones et Terry Gilliam avaient terriblement envie de faire du cinéma, déjà à la base. Terry Jones voulait absolument réaliser le premier film Best Of dont je parlais tout à l'heure. On l'a pas autorisé à le faire, c'est l'un des réalisateurs de la version télé qui l'a fait. Mais voilà, il avait terriblement envie de se frotter au cinéma. Gilliam aussi, donc d'ailleurs la collaboration entre les deux va être un petit peu compliquée. Oh, l'euphémisme. Voilà. Mais voilà, il y avait avant tout cette envie-là, cette envie d'utiliser leur popularité naissante pour faire du cinéma. Bon, il fallait utiliser la rampe de lancement qui était les Monty Python. Et après, c'est vrai qu'on retrouve un tout petit peu la nature de film à sketch dans Sacré Graal. Pas autant évidemment que dans Le Sens de la Vie, qui est un vrai film à sketch, mais on a encore cette entre deux, on n'a pas encore une vraie histoire avec un vrai héros comme la vie de Brian. Donc on est encore on les sent vraiment en train de tester leurs limites. Toujours le problème de la chute d'ailleurs. La chute de Sacré Graal, bouchez-vous les oreilles si vous ne les avez pas vues. Mais c'est quand même les chevaliers qui sont arrêtés par les flics. Voilà, donc, comme manière de finir un film, c'est quand même assez osé. Donc il y a vraiment ce côté, on va faire en plus grand ce qu'on a fait à la télé. Yann Stott, qu'est-ce qui fait de Sacré Graal un film aussi culte? Les répliques et aussi cette forme particulière parce que à l'époque, voir évidemment un film de comédie qui ressemble beaucoup à un film à sketch, mais les Monty Python ont souvent fait ça effectivement. Même la vie de Brian, il y a des choses qu'on peut jouer sur scène. On peut couper la vie de Brian comme un sketch aussi, même si il y a un personnage principal. Et Sacré Graal, c'est la même chose. C'est la première fois, une des rares fois où dans une comédie on voit un démembrement total de bras, de jambes, avec quelqu'un qui bouge encore. On ne voyait ça que dans les films gore ou dans les films d'horreur. Avec le chevalier qui lâche pas l'affaire. Bien sûr, mais alors pourquoi ça fait hurler de rire? Parce que le type ne souffre pas. Il souffre à aucun moment, il souffre. Et à la fin, il a plié les deux bras, les deux jambes, et il dit OK, ex aequo. Et c'est ce genre de choses, une fois de plus, on n'avait jamais vu ce genre d'humour. On était dans de l'humour. Vous savez, vous parliez d'humour anglais, d'humour français. Des proches disaient l'humour anglais souligne avec désespoir et amertume l'absurdité du monde, l'humour français rigole de ma belle-mère. Et ce qui a fait boum dans le cœur des gens en Europe quand ils ont découvert Sacré Graal, c'est ça. Ils se sont dit waouh, c'est noir, c'est dark, c'est absurde et drôle à la fois. On est ensemble pour parler des Monty Python avec Yann Stutz, Romain Nigita et Justine Breton. Mais pour le moment, on écoute Claire avec Tout est dans la tête. Arrête tes conneries, viens jouer avec moi. Arrête tes soucis, n'existe pas. Tout est dans la tête, tu le répètes. Fais-toi couper la tête, fais-toi couper la tête. Tout est dans la tête, c'est n'importe quoi. Il faudrait brûler les faire bloc. C'est clair, tout est dans la tête. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Ils nous dépouillent, ils nous saignent, ces salopards, ils nous ont volé tout ce qu'on avait, et ça ne date pas d'hier. Ils dépouillaient nos pères, ils dépouillaient les pères de nos pères. Ils dépouillaient les pères des pères de nos pères, oui. Et ils dépouillaient les pères des pères des pères de nos pères. Bon, ça va, il n'en fait pas trop. À moi le veille avec Evan. Et qu'est-ce qu'ils nous ont offert en retour? L'aqueduc. Quoi? L'aqueduc. Oui, ils nous ont offert ça, oui, c'est juste. Et les égouts? Oh, oui, les égouts, Reggie. Tu te rappelles l'infection que c'était avant? Oui, bon, d'accord, je vous l'accorde. L'aqueduc et le réseau d'égouts, ce sont deux choses que les Romains nous ont données. Et les routes? Ah oui, évidemment, les routes. Enfin, les routes, ouais, ça va sans dire, voyons, bon. Mais à part le réseau d'égouts, l'aqueduc et les routes... L'irrigation. La médecine. Ouais. L'éducation. L'éducation. Oui, oui, bon, d'accord, faut le reconnaître. Le vin. Ah oui, oui, le vin. Oui, ça manquerait énormément, Reggie, si les Romains sont là. Les bains publics. Et les Russes sont plus sûrs la nuit, c'est sans danger, Reggie. Alors ça, oui, ils assurent en maintien de l'ordre. Et c'est pas rien de surveiller un pays comme ici. D'accord, mais mis à part le réseau d'égouts, la médecine, l'éducation, le vin, le maintien de l'ordre, l'irrigation, les routes, les fontaines d'eau fraîche et le système de santé, qu'est-ce que les Romains ont fait pour nous? On leur doit la paix. Oh, la paix! Bon, la ferme! Un extrait de la vie de Brian. Justine Breton, on entend, là, dans le sketch, dans le morceau du film qu'on vient d'entendre, qu'il y avait quand même un amour très pointu pour l'histoire. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit initialement? Oui, enfin, ça fait partie des prétextes intellectuels que je donne, même si. Mais cette émission est basée sur des prétextes intellectuels. Voilà. Ça fait 6 ans que je fais ça. C'est ça, c'est un amour purement intellectuel. Exactement. Pour les Monty Python. Tout à fait. Exactement. Bien sûr, c'est pas du tout. Je regarde ça, c'est historique, voilà. Exactement. C'est l'histoire qui m'intéresse. Alors après, j'avoue que moi, dans le cadre de mes recherches universitaires, travailler sur les Monty Python et voilà, dire que c'est mon métier et que c'est d'un point de vue professionnel, c'est quand même assez classe. Hein. Je dois admettre que je me fais plaisir. Mais dans l'équipe, hein, on l'a dit tout à l'heure, ils ont quasiment tous, à part Guillaume qui est un peu à part, une formation classique. Ils ont tous fait de hautes études, avec Paline qui a fait des études en histoire. On a parlé de Terry Jones qui lui a fait une formation en anglais, mais en anglais médiéval, et qui a beaucoup travaillé ensuite sur la valorisation de manuscrits. C'était notamment un grand fan de Geoffrey Chaucer. Enfin, voilà, donc c'est des gens qui auraient pu faire, on va dire, des grandes carrières intellectuelles. Chapman était médecin, Cleese aurait pu être avocat. Hein, il avait tous les diplômes, il n'a jamais exercé. Mais voilà, et du coup, cette culture-là, ça fait partie de leur propre arrière-plan, et ils s'en servent pour nourrir leurs sketchs. Et c'est comme ça que dans les sketchs, on peut avoir à la fois des références historiques, des trucs justement un peu intellectuels, un peu pointus, et des gags physiques très bas. Romain Nigita, La vie de Brian, c'est un film qui n'a pas laissé indifférent. C'est-à-dire qu'il y a eu une levée des boucliers, il y a plein de gens qui ont dit film interdit. Ah, il y a eu menace même de poser des bombes dans les cinémas. Enfin, ça a été un scandale à la hauteur de ce que sera le film de Martin Scorsese quelques années plus tard, La dernière tentation du Christ. À l'époque, plaisanter avec la religion, ça ne se faisait pas. Ce qui est paradoxal, alors que par contre, Flying Circus, qui attaquait également toutes les institutions, n'a souffert d'aucune censure de la part de la BBC, à part pour deux choses, un sketch du pipi et un sketch sur masturbation. Alors que dans le Flying Circus, il s'attaquait, pareil, à la religion, à la politique, aux anciens combattants, aux vieux, enfin, à tout ce que représentait l'Angleterre, ils n'ont jamais eu aucun problème. Il a fallu justement qu'ils aient cette popularité mondiale, ce qu'ils n'avaient pas encore à l'époque du Flying Circus, pour que d'un seul coup, toutes les foudres des censeurs de tout poil se dirigent contre eux. Parce qu'en effet, la vie de Brian est impertinent, mais impertinent de manière absolument intelligente. Enfin, c'est une démystification du processus même de création de religion qui n'a aucun égal. On parlait tout à l'heure de la comparaison entre l'humour français et l'humour anglais. Nous, en France, on a eu 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Eux, ils ont la vie de Brian. Voilà, il n'y a pas de comparaison possible. C'est au-delà des gags, c'est d'une intelligence sur l'histoire de l'humanité et l'histoire de la foi, la création de la foi, qui est quand même assez dingue. Donc c'est vrai que quand on se prend ça en pleine gueule et qu'on est un responsable religieux, je comprends qu'on se dise mince, comment va-t-on pouvoir réagir ? D'autant qu'en plus, j'ai lu que quand ils ont commencé à vouloir brocarder garder l'idée même de religion. Ils expliquaient qu'en lisant l'histoire de Jésus, ils ont trouvé le type plutôt sympa. Et ils se sont dit, bah non, en fait, c'est pour ça qu'on va créer un autre personnage, parce que ce Jésus, il m'a l'air très sympa. C'est pour ça qu'on va créer Brian, Ian Stott. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça le grand débat de l'époque, c'était est-ce que le film est hérétique ou blasphématoire? Parce que Jésus est respecté dans le film. On le voit au début, il fait le sermon sur la montagne, et puis on le voit peut-être à la fin. Mais quoi qu'il arrive, ils se sont dit, mais si lui a vécu ça, d'autres l'ont sûrement vécu, Brian. Et donc c'est, l'idée est formidable de suivre quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que Jésus, dans la même vie, dans ce même temps. Mais de toute manière, le personnage principal des trois films principaux des Monty Python, c'est Dieu. Dans Sacré Graal, c'est Dieu qui leur donne l'impulsion, qui leur dit d'aller chercher le Graal. Dans Le Sens de la Vie, évidemment, on voit ce Dieu au début animé par Gilliam. Ça va jusqu'à la mort et le paradis. Et évidemment, dans la vie de Brian, on voit Jésus. Enfin, tout est bizarrement très saint et très religieux. Est-ce hérétique ou blasphématoire? Les gens se feront leur propre avis. Mais je pense que c'est plus hérétique. Parce que Jésus n'est en aucun cas malmené dans la vie de Brian. C'est Brian qui est malmené. Ce qui est intéressant, c'est que il y a énormément de communes qui ont dit, eh bien, la vie de Brian ne passera pas chez nous. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau des Monty Python, c'est qu'il a été interdit dans des communes qui n'ont pas de cinéma. Et ça, pour moi, je trouve que, voilà, quand on est interdit de cinéma dans des villes où il n'y en a pas, c'est quand même qu'on a touché du doigt quelque chose de profond. Et il y a des voyages en bus qui étaient organisés, même dans les villes où il y avait des cinémas, où le film était interdit, des voyages en bus pour aller dans d'autres villes voir la vie de Brian. C'est là où ils se sont dit, tiens, on touche peut-être quelque chose. Il y a peut-être un petit succès qui s'annonce là. Et puis l'interdiction crée un buzz supplémentaire, hein, oui. Déjà à l'époque. Hein, donc... Et Justine Breton, pour revenir... Justine Breton, on pourrait terminer l'émission comme ça. Ça sera un petit peu ennuyé pour les auditeurs. on l'a pas dit, mais sur Sacré Graal, il y a aussi cette manière de gérer les contraintes de budget qui ont créé des idées de génie, notamment l'impossibilité pour eux de louer des chevaux. Ouais, alors effectivement, faut rappeler que la première contrainte de budget des Monty Python, c'est la gestion des Monty Python, hein, parce que voilà, ils font un peu n'importe quoi, et ce qui les oblige à faire preuve de créativité s'ils veulent finir leur film. Et ben voilà, avoir des chevaux, en plus des chevaux dressés pour des tournages, ça coûte cher, toujours aujourd'hui. C'est d'un point de vue pratique pour transporter sur les différents lieux de tournage, c'est très compliqué. Donc ils se sont dit, ben on peut pas avoir de chevaux, comment on va faire? Ils ont repris l'idée d'un sketch précédent de Michael Palin pour prendre des noix de coco. Couper en deux. Alors faites l'essai chez vous, hein, si voilà, c'est une expérience à faire à la maison. Vous pouvez prendre une noix de coco, vous la coupez en deux, vous la videz, et effectivement, quand on assemble les deux morceaux, je le mime en même temps, ça sert à rien, hein, mais ça reproduit le bruit du pas de cheval. Et ils se sont dit, on va jouer sur ça, c'est une technique de bruitage cinématographique bien connue, on va jouer sur ça pour assumer le fait qu'on n'a pas de chevaux. Mais, petite fun fact du truc, il y a un cheval dans Sacré Graal, il y en a un seul. Parce que vous vous souvenez quand est-ce qu'il est? C'est le quiz, fallait réviser. Voilà. Ah, puis elle nous balance ça comme ça. Eh ouais. Oh là là là là. Je m'attendais pas à l'Inquisition espagnole. Je suis en vacances ce soir, moi. Bon, alors. Mon cerveau est parti un peu avant moi. Dans Sacré Graal, il y a un historien qui fait des interventions, qui décède violemment. Et c'est un chevalier qui passe à cheval et qui massacre l'historien. Et c'est là qu'on voit que ça peut pas être les chevaliers arthuriens qui ont fait le coup, parce que eux, ils ont pas de chevaux. Et ouais, je révèle des mystères. Mais voilà, je savais que vous étiez à mon côté Agatha Christie. Voilà, voilà. Et je suis sûr que vous animez de nombreuses soirées d'hiver en disant, hey, qui c'est qu'a tué le colonel Moutarde. Le colonel Moutarde. Je suis fun en soirée. Et par contre, ensuite arrive Le Sens de la Vie, qui lui a une réception un peu plus mesurée, Romain Nigita. Le Sens de la Vie, on pourrait dire que c'est l'embourgeoisement des Monty Python. C'est quand même un film qui est sélectionné au Festival de Cannes, où il gagne quand même le Grand Prix, ou le prix de la mise en scène, je ne sais plus, enfin un prix assez important. Là, il n'y a aucune polémique, et c'est un peu le début de la fin. D'ailleurs, ils s'arrêtent après. Ils sont récupérés par le système, c'est là qu'ils rentrent dans le dictionnaire. Mais c'est exactement ça, ils n'ont plus besoin d'être produits ni par un Beatles, ni par Led Zepp. Même si le film est très bien, c'est très honnêtement le moins bon des trois vrais films, je compte pas le premier film best-of. Donc c'est en effet un peu le début de la fin, on sent qu'ils ont tous envie de passer à autre chose, ils ont tous gagné leur popularité, leur galon chacun de leur côté, John Cleese avec Fawlty Towers, Hôtel en folie, Michael Palin qui va bientôt se lancer dans ses documentaires de voyage, Terry Gilliam qui impose de tourner le petit court-métrage euh, qui qui sert de prologue au film et qui est quasiment le ce qui deviendra Brésil quelques années plus tard. Donc c'est l'épilogue de leur carrière, même s'ils referont quelques petits projets derrière, mais c'est le début de la fin. Alors il nous reste une dernière partie d'émission, et pour l'annoncer, qui de mieux que Leila Makkala avec Dodiné. Durant tout ce mois de juillet, l'émission a été réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Benjamin Ducy, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. Dodiné de Leila Makkala dans Blockbuster sur France Inter. Parle-nous, maître, parle-nous. Go away. Foutez-moi le camp. Give us a sign. Donne-nous un signe. Il nous a donné un signe. Il nous a amené jusqu'à ce trou perdu. Je ne vous ai pas mené ici. Vous m'avez bêtement suivi. Oh, it's still a good... Oh, ça reste un bon signe si on n'est pas trop regardant. Maître, ton peuple a parcouru bien des nids afin d'être avec toi. Ils sont très là et n'ont rien mangé. N'est pas ma faute s'ils n'ont rien mangé. Il n'y a rien à manger dans cette haute montagne. What about the juniper? Et le buisson de genièvre que je vois là-bas. Il a donné vie au buisson. Il a fleuri par sa parole. Dites-donc, mais ce sont mes jeunes belles genévriers à moi. C'est un cadeau du Tout-Puissant. Puissant. C'est tout ce que j'ai à bouffer, moi. Seigneur, et je fais autorité, j'en ai suivi plus d'un. Gloire au Messie! I'm not the Messiah! Je ne suis pas le messie, voulez-vous bien écouter? Je ne suis pas le messie, est-ce que vous comprenez? Honnêtement! Only the true messiah! C'est l'authentique messie, peut nier sa divinité! What? Quoi? Well, what sort of... Mais qu'est-ce que je réponds à une assertion pareille? All right, Diane! D'accord, c'est moi le messie! Si! Un extrait de La vie de Brian. Jan Stott, on parlait durant la chanson de Leila Makkala et vous me disiez combien en fait toute votre carrière finalement dès l'âge de 12 ans a été conditionnée par la découverte des Monty Python. Oui. Bah, j'allais dans les vidéoclubs, mon père me louait des cassettes vidéo, et il y avait des petites cassettes vidéo blanches qui s'appelaient Lagavi Vidéo. C'était une boîte sortie par Yves Robert. Je sais que vous avez fait votre première émission sur Pierre Richard, donc vous avez dû parler d'Yves Robert. Lagavi Vidéo, il y avait ces visuels incroyables. Il y avait des affiches partout, sur toutes les jaquettes de VHS, mais Lagavi Vidéo, les visuels étaient évidemment... tiré des affiches de Terry Gilliam, et il y avait ces affiches improbables. Bandit, qui était vendu comme un Monty Python alors que c'est un film de Terry Gilliam. Monty Python à Hollywood, parce qu'on parlait des démarches futiles. Une des meilleures interprétations des démarches futiles, c'est la performance de John Cleese dans Monty Python à Hollywood. Et voilà, je loue ces VHS-là, et je tombe sur Le Sens de la Vie. Et à 12 ans, voir Le Sens de la Vie, ça fout une vraie... Pardonnez-moi l'expression, mais une vraie tarte dans la gueule. Parce que c'est philosophique, c'est noir, c'est drôlissime, c'est complètement absurde parfois. Je trouve que Le Sens de la Vie, c'est le lien entre les Monty Python embourgeoisés, les Monty Python avec du budget, les Monty Python avec du scénario, et aussi les Monty Python jeunes avec les sketchs qui ne valent rien dire, qui n'ont pas de chute. Et je découvre ça, effectivement, ça a donné un sens à ma vie. Je me suis dit, je vois pas autrement, il faut que je fasse ce métier. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Non, mais c'est les révélations. Ouais. Et puis il y a aussi ce mélange entre quelque chose de très très sombre et tout de suite après, une légèreté qui vous emmène et qui permet de relativiser tout le reste, en fait. Oui, parce qu'on parle de la guerre, on parle de la mort à la fin du film, de la naissance. On parle vraiment de la mort, mais d'une manière assez légère. Très noire, mais très légère. C'est très curieux à dire. On parle de la sexualité, où John Cleese interprète un professeur d'éducation sexuelle qui, devant ses élèves, fait l'amour à sa femme pour montrer comment fonctionne l'érection, la pénétration et l'éjaculation, l'insémination. Alors là, évidemment, tout est fait très élégamment, hein, parce que là, les auditeurs se disent mais c'est des déviants. Non, mais on ne voit rien, on ne voit absolument rien, on voit juste l'amorce du visage de John Cleese qui explique ce qui se passe hors champ, on va dire. Justine Breton, après la séparation des Monty Python, quel est un de leurs projets personnels qui vous a parlé ou qui vous a le plus séduit? Après, ils sont tous partis dans des démarches un peu différentes. D'un point de vue, on va dire, cinématographique, j'aime beaucoup ce qu'a fait Gilliam. Alors, une partie de ce qu'a fait Gilliam. Je suis moins fan des dernières productions. Mais voilà, jusqu'à l'Imaginarium du Docteur Parnassus, où on retrouve justement cette utilisation des graphiques, où on retrouve cette obligation d'adaptation aussi. Hein. Ça, c'est aussi une constante de la carrière de Gilliam, c'est qu'on se retrouve face à des contraintes qui font que on fait ce qu'on peut pour finir les films. Donc, je trouve ça aussi intéressant, la façon dont il gère un petit peu tout ça. Et après, on va dire, du point de vue plus professionnel, tout ce qu'a pu faire Terry Jones pour la valorisation des manuscrits médiévaux et de l'œuvre de Chaucer notamment, c'est génial, parce que quand on a quelqu'un avec la renommée de Terry Jones qui prend quelque chose d'un peu... voilà, je veux pas dire chiant, mais quand même un peu, qui sont les manuscrits du Moyen-Âge, tous les collègues médiévistes, ne me jetez pas des pierres, vous comprenez ce que je veux dire. L'idée, non, c'est que... voilà. Ils vont jeter que des pierres neuves. Que des pierres, exactement. Mais du coup, c'est voilà, il a utilisé sa notoriété aussi pour valoriser ce qu'il aimait et montrer que on avait au Moyen-Âge des textes super drôles aussi, qui ensuite ont nourri toute leur carrière et toute son écriture. Et voilà, rien que pour ça, je trouve ça génial, la façon dont ils sont partis tous dans des différentes directions. Et voilà, ça reprend leur personnalité, et c'est juste dommage qu'on n'ait pas pu voir après la suite de Graham Chapman et ce qu'il aurait pu faire, mais bon, c'est la vie, voilà. Oh, c'est déprimant, ça. Roman Ivita, c'est vrai que Graham Chapman nous a quittés, et il faut expliquer aussi que même durant les tournages de Sacré Graal, ou quoi qu'il a rien pris sur la vie de Brian, mais il était hanté, il était alcoolique, en fait. Oui, il avait des gros problèmes d'alcool, qui faisait qu'il commençait à se prendre un peu pour la star du groupe. Parce que c'est vrai que dans les films, en tout cas dans les deux premiers, dans Sacré Graal et la vie de Brian, c'est lui qui jouait le rôle principal dans Sacré Graal, le roi Arthur, et dans la vie de Brian, bah Brian, c'est quand même lui qui a le nom du titre. Donc c'est vrai qu'il s'est un peu mis à dos, je crois, en tout cas à certains moments, ses petits camarades. Donc ça a été un petit peu compliqué, surtout que ce qu'il a quand même tenté de faire en dehors des Monty Python avant sa mort n'a pas vraiment marché. Pour ceux qui se souviennent d'émission sur les Checkers Get to the Galaxy, on avait raconté qu'il avait justement commencé à écrire avec Doug Adams un pilote. H2G2, il avait commencé à écrire un pilote de série à sketch qui n'a rien donné. Donc voilà, il n'a pas eu de chance sur les quelque chose qu'il a pu faire par la suite. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir ce que sa carrière aurait pu donner, parce que c'était finalement le plus comédien des six. On retient beaucoup John Cleese maintenant, parce que physiquement, c'est celui qui sort du lot. Et on l'a vu dans... Il a joué Q dans James Bond. En Poisson nommé Vanda. En Poisson nommé Vanda, on le voit dans Harry Potter. Il a fait cette série géniale, L'Hôtel en folie, Fawlty Towers. Mais c'est vrai que c'est Graham Chapman qui aurait peut-être pu avoir une carrière dramatique dans des rôles complètement différents, en dehors du registre de l'humour. Malheureusement, on n'en saura jamais rien. Et c'est vrai que tout à l'heure, hors antenne, on faisait le parallèle en discutant de lui. On parlait très justement de Bruno Carrette, avec Les Nuls. C'est un peu ce même destin. C'était celui qui avait ce profil de comédien, qui aurait pu avoir une très grande carrière. On l'a vu avec Milou en mai pour Carrette. Et malheureusement, voilà, le destin en a voulu autrement. Et là aussi, je finis sur une note très déprimante. Et il avait une grande capacité de travail. Enfin, tous, hein, je pense, d'une façon ou d'une autre. Mais il a une grande capacité de travail. Quand tu vois que sur Sacré Graal, il avait déjà des accès de délirium très minces et qu'il a réussi à cacher ça au maximum. Bon, ça complique un peu certaines scènes, mais voilà, sur la vie de Brian, il était en parallèle le médecin du tournage. Voilà, il n'avait pas trop de temps libre non plus. C'était quand même voilà, une machine à travailler assez impressionnante. Et ouais, non, c'est déprimant, on va parler d'autre chose. Yann Stutz, est-ce qu'on pourrait dire qui sont les héritiers, ou s'il y en a eu, de cet esprit Monty Python? Les héritiers des Monty Python sont les fans des Monty Python et les fans des Monty Python qui font ce métier-là. Évidemment, on peut évoquer Alain Chabat, c'est sûr et certain. On peut évoquer des Anglais aussi très méconnus du public français, qui s'appellent The Mischief Theatre Company, qui ont créé The Play That Goes Wrong, adapté en français par sous le nom des Faux British, et qui ont créé The Goes Wrong Show. Visible sur des plateformes, ils se revendiquent totalement des Monty Python. Ensuite, ceux qui aiment les Monty Python et qui veulent revoir des choses pitonesques, on parlait de Graham Chapman, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelait Yellow Bird, Barbe d'or et les pirates, où Graham Chapman fait Barbe d'or. On y retrouve John Cleese dans le rôle de Monsieur Prout, Marty Feldman qui était un ami des Monty Python. Si vous aimez les Monty Python, vous pouvez regarder le show de Marty Feldman, parce qu'il sort de la même équipe, mine de rien. Ça s'appelait It's Marty ou The Marty Feldman Comedy Machine. Il y a plein de choses à regarder qui sont très pitonesques. Hein. On parlait d'un poisson nommé Vanda. Eric Idle a fait le sien, qui s'appelait Grandeur et Descendance. Voilà, par exemple. Voilà. Moins connu, mais c'est tout aussi fou. Après, et ben voilà, la liste est faite. Yann Stutz, Romain Nivita, Justine Breton, merci beaucoup. Je rappelle aux éditeurs que le lundi 22 août, dans le cadre d'un partenariat entre France Inter et OCS, sera diffusé au cinéma Le Grand Rex à Paris, le premier épisode du préquel de Game of Thrones, House of Dragons. Vous pouvez gagner deux places en répondant à la question suivante. Citez un autre film dans lequel Sean Bean, l'interprète de Ned Stark, joue un personnage qui meurt. C'est facile, hein. Votre réponse au 01 56 40 30 20. N'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées. La première bonne réponse gagnera deux places pour cette avant-première. C'est la fin de cette émission. J'aimerais remercier également Tristan Gratalon à la technique. Toujours là, Tristan, toujours. Et Ludovic Asselot au mixage, qui mixe, il mixe super bien. Pour mes soirées, j'inviterai Ludovic Asselot. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous laisser des messages sur le répondeur. J'aime bien vous entendre sur mon répondeur au 01 56 40 30 20. Et vous pouvez parler directement sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Mais je pars en vacances, c'est pas dit que je vous réponde. À bientôt. Can we come up and have a look? Est-ce qu'on peut monter et y jeter un coup d'œil? Of course not! Bien sûr que non! You are English! Vous êtes de type anglais, sire! Well, what are you then? De quel type êtes-vous, alors? I'm French! Je suis français! Why do you think I have this outfit? Sinon, pourquoi croyez-vous que j'aurais cet accent à la con? Espèce de roi ridicule! What are you doing in England? Et que faites-vous en Angleterre? Mind your own business! C'est pas tes oignons, petit con! Lundi, on va vous parler de Katniss Everdeen, d'oiseaux moqueurs et de jeux de télé-réalité. On va vous parler d'Hunger Games, la saga littéraire de Suzanne Collins. Et moi, je vous retrouve donc en direct le 22 août pour un blockbuster intégralement consacré à Game of Thrones. Bel été à vous et à lundi. France Inter.